طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui la quatrième partie dans le livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullahu ta'ala, qui s'intitule « Haqq al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam », c'est-à-dire le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on avait expliqué au début, le cours est divisé en quatre droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc jusqu'à date, on a vu le premier droit qui était le droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de croire en lui, de croire en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième droit qui a été mentionné, c'est le droit de le suivre et de lui obéir sallallahu alayhi wa sallam. Le troisième droit, c'était le droit de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le droit que nous allons apprendre maintenant ou lire ensemble, c'est le quatrième, c'est le dernier, c'est الحق الرابع وجوب تعزيره عليه الصلاة والسلام وتوقيره وتعظيمه. Donc on va lire ensemble ce chapitre inshallah, mais avant de le lire on va lire en quoi consiste donc le chapitre, les divisions par lesquelles que le cheikh il a, comment il a divisé son sujet en parlant de ce droit. Et donc, dans ce chapitre, dans ce point, on va parler de quatre choses. المطلب الأول معنى التعزير ومعنى التوقير. Donc, la définition du mot تعزير et la définition du mot توقير. توقير, qu'est-ce que ça signifie? Ensuite, on va voir le deuxième point. مظاهر توقيره واحترامه في حياته. Donc les expressions ou les manifestations du respect envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comment ça s'est manifesté durant sa vie. Le point numéro 3, تعظيم الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. Le respect de la umma pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et le quatrième point, صور من اتباع وتوقير الصحابة والتابعين وسلف الأمة الصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم. Donc les différents exemples ou les différentes images du suivi et du respect des sahaba pour le prophète صلى الله عليه وسلم, ainsi que des tabi'in, les sahaba des tabi'in et des salaf as-salihin envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est les quatre points qu'on va voir dans ce chapitre. Donc on commence tout de suite inshallah avec la lecture de qu'est-ce que le cheikh il mentionne pour commencer. Il dit inna min tamami huquqi an-nabi alayhi salatu wassalam ala ummatihi nusratuhu wa tawqiruhu wa ihtiramuhu wa ta'ziruhu. قال الله جل وعلا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه ويقول جل وعلا فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Donc le cheikh il commence en disant que parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa umma, il y a le fait de le défendre, de venir à son secours. Il y a le fait également de le respecter, de l'honorer et de défendre sa dignité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans les versets, dans Surat Al-Fath, le verset 9, et dans Surat Al-A'raf, le verset 157. Donc le verset 9 dans Surat Al-Fath, il dit ce qui signifie: pour que vous croyiez en Allah et en son messager, et pour que vous l'honoriez, pour que vous le respectiez. Et le verset 157 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: donc ceux qui ont cru en lui, et qui l'ont honoré, et qui l'ont défendu, et qui ont suivi la lumière avec laquelle il est venu, ceux-là sont ceux qui auront le succès. Donc le cheikh il dit ensuite: وَهَذَا يَسُوقُنَا إِلَى الْمَطْلَبِ الْأَوَّلِ فِي بَيَانِ مَعْنَى التَّعْزِيرِ وَالتَّعْزِيرُ هُنَاكَ أَقْوَالٌ عِدَّةٌ يَجْمَعُهَا مَا قَالَهُ الشَّيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَةٍ اسم جامع لنصره وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه. Donc التعزير, la définition de التعزير, c'est, le cheikh il dit premièrement qu'il y a beaucoup de paroles des ulama à ce sujet là mais une parole qui rassemble toutes ces différentes définitions là c'est la définition qui a été donnée par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah dans As-Sarim al-Masloul. Il dit que c'est un nom qui englobe et qui comprend le fait de venir à sa défense, de le défendre, de le secourir, de le soutenir et de le protéger ou de le préserver de tout ce qui peut lui nuire ou de tout ce qui peut lui faire du tort ou lui nuire. Donc ça c'est la définition qui a été mentionnée par Cheikh al-Islam. Ismun jami'un li nasrihi wa ta'yidihi wa man'ihi min kulli ma yu'zihi. Ok, donc ça c'est pour at-ta'zir. At-tawqir, il dit wa amma at-tawqir fa ma'nahu at-ta'zim. At-tawqir ma'nahu at-ta'zim. Donc, at-tawqir, ça veut dire ta'zim. Ta'zim, c'est le fait de respecter. De respecter et de considérer comme quelqu'un comme étant important, de lui donner son importance. Et il dit, ويقول الحافظ الإمام ابن جرير التوقير هو التعظيم والإجلال والتفخيم والتفخيم. Donc, Al-Hafidh ibn Jarir Tabari, il dit que Al-Tawqir, c'est Al-Ta'zim, Al-Ijlal, Al-Tafkhim, c'est-à-dire le respect, le fait de vénérer quelqu'un, de le considérer, de lui donner son importance. C'est ça le sens de Al-Tawqir. Maintenant qu'il a expliqué les définitions, maintenant il passe au deuxième point. ذكر بعض مظاهر توقيره واحترامه عليه الصلاة والسلام في حياته. Donc les exemples du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la défense et du soutien qu'il a reçu durant sa vie. Et le cheikh il dit: إن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره شعبة عظيمة من شعب الإيمان. ولذا نجد أن ثمة مظاهر يجب أن يتحلى بها المؤمن تأدبا معه صلى الله عليه وسلم واحتراما وتوقيرا فمن ذلك تحريم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن عليه الصلاة والسلام كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وثانيا تحريم رفع الصوت فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام وأن لا يجهر له بالكلام كما يجهر الرجل للرجل، وهذا من تمام الأدب وكمال أدب الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام، استجابة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Donc le cheikh il mentionne certains, il a mentionné deux, il y en a un autre point aussi qu'il va mentionner après, mais j'ai voulu traduire en premier, puis après, inshallah, on va continuer à donner le reste de ce que le cheikh il a donné comme explication. Premièrement, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani son respect et le fait de l'honorer, de le respecter, c'est une des grandes, une branche importante parmi les branches de la foi. Et on voit qu'il y a certaines manifestations de respect par lesquelles le croyant doit, c'est-à-dire que le croyant doit adopter certains comportements envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui montrer du respect et pour l'honorer. Et ça, c'est quelque chose qui est obligatoire pour le croyant. Et parmi les exemples de ce respect-là, il cite premièrement l'exemple du fait qu'on n'a pas le droit de devancer, de donner précédence, c'est-à-dire de devancer le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on parle, jusqu'à ce qu'il donne la permission de parler. Et ça, c'est dans Sourate Al-Hujurat. Et justement, avant de venir ici à Rambert, on avait justement fait des cours à la ville de Tulay, puis on a fait le tafsir de Sourate Al-Hujurat. Et dans Sourate Al-Hujurat, le premier verset, c'est justement celui-là. Donc, on avait expliqué justement cet aspect-là qui fait partie des bons comportements qu'on doit adopter envers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous qui avez cru, il dit ce qui signifie: Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Le deuxième point qu'il a mentionné, le cheikh, c'est qu'on n'a pas le droit non plus d'élever la voix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'élever sa voix au-dessus de la sienne, comme on le ferait yani les uns avec les autres. Lorsqu'on se parle entre nous, on élève la voix parfois, tandis qu'avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne peut pas faire ça. Hein? Parce que yani on doit adopter un certain comportement et un respect dans la façon dont on parle avec lui ou dont on s'adresse à lui sallallahu alayhi wa sallam. Et on fait ça dans le but de répondre à ce que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 2 dans sourate Al-Hujurat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'haussez pas le ton avec lui comme vous le haussez les uns avec les autres, de crainte que vos œuvres soient annulées ou rendues vaines, alors que vous ne vous en rendez pas compte. Et donc, le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, quand il a fait le tafsir de ce verset, il a mentionné que durant sa vie, c'était le fait de ne pas hausser le ton en sa présence, de ne pas élever la voix au-dessus de la sienne. Et après sa mort, également, lorsqu'on est proche de l'endroit où il est enterré, lorsqu'on est près du lieu où il est enterré, de ne pas élever la voix. Et il mentionnait également qu'après sa mort aussi, c'est le fait de ne pas mettre nos propres opinions et nos points de vue, de ne pas leur donner précédence sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a la connaissance, par exemple, d'une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien on ne va pas mettre nos propres opinions par-dessus ce que lui a légiféré ou de ce qu'il a ordonné. Et le cheikh il cite ensuite une parole ici qui est très intéressante. Il dit: وَقَدْ شَدَّدَ الْفَارُوْقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّكِيرُ عَلَى رَجُلَيْنِ رَفَعَ صَوْتَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِي فيقول السائب ابن يزيد: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل بحصى فنظرت إليه فإذا هو عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين قال فجئته بهما فقال من أنتما ومن أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما يعني ضربا يعني ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني منكرا عليهما أخرجه البخاري في الصحيح باب رفع الصوت في المسجد يعني الشيخ à ce point là il a mentionné une parole. Il a donné un exemple à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut yani, le respecter. On ne doit pas élever la voix dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'exemple de Al-Farouq, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et comment il a été dur avec des gens qui, justement, ont agi de cette manière. Et on voit que c'est rapporté par As-Sa'ib ibn Yazid. Il dit, j'étais debout dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai reçu un, yani, comme un caillou, hein, comme si quelqu'un m'a lancé un caillou. Yani. Alors, j'ai regardé pour voir qui m'a envoyé ce caillou, et j'ai constaté que c'était Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Alors, il a dit, amène-moi ces deux personnes qui sont là-bas. Il a dit, amène-les-moi ces deux-là. Alors, il est allé les voir et il leur a dit, Omar ibn al-Khattab, il veut vous parler. Alors ils sont venus et Omar ibn al-Khattab, il leur a dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Alors ils ont dit, nous sommes des habitants de la ville de Taif. Alors Omar, il a dit, si vous étiez des gens de la ville, des habitants de Médine, je vous aurais frappé. Vous levez votre voix dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il leur a dit ça pour les condamner ou critiquer leur comportement et la façon dont ils élevaient la voix dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, vous voyez, en même temps, la sagesse de Omar ibn al-Khattab, il ne les a pas directement frappés. Hein? Il leur a dit, d'où est-ce que vous venez, qui êtes-vous? Pour savoir, en fait, est-ce que ces gens-là, ils ont peut-être une excuse d'agir de cette manière. Ils ne savent pas le comportement parce qu'ils viennent d'ailleurs. Et quand il a su qu'ils venaient d'ailleurs, justement, là, il leur a expliqué. Il a dit, si vous étiez d'ici, je vous aurais frappé. Hein, parce que les gens de la ville d'ici, ils vivent à Médine, ils savent les règles, le comportement, comment ils doivent agir dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais vous avez l'excuse d'être des gens de l'extérieur, des gens d'ailleurs. Donc, ça, c'est une raison pour laquelle peut-être vous n'êtes pas au courant des règles. Hein, et du comportement. Alors, il leur a dit ça pour les blâmer, hein, pour leur dire que ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Il ne faut pas élever le ton et la voix lorsque vous êtes dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih. Et le chapitre dans lequel cette parole est citée, c'est le chapitre qui s'intitule le chapitre d'élever la voix dans la mosquée. Donc vous voyez l'exemple, hein, mashallah, de cette citation qui est vraiment intéressante aussi, très bénéfique. Et le troisième point, parmi les points qui sont mentionnés ici, c'est ce que le cheikh il a cité. Il dit « Wa anna allaha dhamma alladhina yunadunahum min wara'i al-hujurat » فوصفهم بأن أكثرهم لا يعقلون ثم أرشد إلى الأدب في ذلك معه فقال جل جلاله ولولا أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. Donc ici le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala il a également blâmé ceux qui appellent le prophète sallallahu alayhi wa sallam de par derrière ses appartements, hein? Donc ils viennent, c'était des bédouins, ils viennent de loin, et les bédouins sont connus comme ayant des comportements qui sont parfois rudes. Hein. Donc ils ont pas, leur comportement n'est pas tellement adapté à la façon dont on doit agir surtout avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand ils sont arrivés devant ces appartements, au lieu d'attendre patiemment que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vienne les voir, eh bien ils ont commencé à l'appeler Muhammad, oh Muhammad, hein, sors vers nous, hein, viens nous voir, hein, on t'attend. Ils ont commencé à crier comme ça. Et ça, c'est un mauvais comportement. Yani, et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset. Yani, ceux qui t'appellent de par derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne réfléchissent pas. Yani, ils ne raisonnent pas. Et donc, c'était pour les éduquer. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit après, et si seulement ils avaient attendu patiemment jusqu'à ce que tu viennes vers eux, ça aurait été mieux pour eux. Hein, donc ça, c'était pour les éduquer en même temps, pour leur montrer la bonne manière d'agir et le bon comportement. D'accord? Et le cheikh, il mentionne ensuite le troisième point par la suite. Il dit wa fi ta'zim al-umma lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'da mamatihi. Comment cette umma respecte le prophète sallallahu alayhi wa sallam après sa mort sallallahu alayhi wa sallam. Il dit an-nabi al-karim al-azim salawatu rabbi wa salamuhu alayhi الأمة مطالبة بتعظيمه حيا ومر بيان ذلك وبعد مماته عليه الصلاة والسلام تعظيما بالقلب وتعظيما باللسان وتعظيما بالجوارح وأما تعظيمه بالقلب فيكون باعتقاد كونه عبدا رسولا لله جل جلاله وتقديم محبته على محبة النفس والولد والأهل والناس أجمعين واستشعار عظمته وجلالة قدره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه وكل المعاني الجالبة لمحبته عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله وتعظيمه باللسان يكون بالثناء عليه عليه الصلاة والسلام من غير غلو ولا تقصير وإنما الثناء عليه بما هو أهله ومن أعظم مظاهر الثناء عليه باللسان الصلاة والسلام عليه قال الله جل جلاله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فالصلاة منا عليه صلى الله عليه وسلم هي من أفضل القربات وأجل الطاعات نتقرب بها إلى الله جل جلاله وهي من الثناء عليه ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام على الوجه المشروع الوارد في الشريعة المطهرة. Donc on va expliquer ces deux points là puis on va continuer ensuite. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la umma est exigée de lui montrer le respect qui lui revient, qu'il soit vivant, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ou qu'il soit mort, même après sa mort, alayhi wassalam. Et on doit lui avoir ce respect-là par le cœur, et on doit le respecter également par la langue et par le corps également. Et on va voir les exemples de chacun de ces différents points-là. En ce qui concerne le fait de le respecter par le cœur, eh bien c'est dans le fait de croire en le fait qu'il est un serviteur d'Allah et de donner précédence à son amour. Hein? On l'aime plus qu'on s'aime soi-même ou que son enfant ou que son parent ou que sa famille ou que tous les hommes. Et de rester conscient de son importance et de son respect, de sa valeur, de son statut, de garder en conscience également toutes ses qualités et toutes les significations qui amènent à l'aimer sallallahu alayhi wa sallam et à le respecter. En ce qui concerne le fait de le respecter par la langue, eh bien ça c'est le fait de faire des éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, sans tomber dans l'extrémisme, l'exagération, ou dans le laxisme ou le manquement. vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de faire ses éloges selon ce qu'il mérite alayhi salatu wassalam. Et il dit, et parmi les aspects, les manifestations d'éloges les plus importantes lorsqu'il s'agit de faire ses éloges avec la langue, et il y a le fait de faire d'envoyer la salat au salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'exemple de ça, c'est de dire, comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans verset 56 dans sourate Al-Ahzab, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il fait l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que ses anges. Et il dit, ô vous qui avez cru, eh bien, vous aussi, faites l'éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam et envoyez sur lui la paix et le salut, hein, la bénédiction. Ça fait partie donc des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les croyants. Et de faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam en envoyant la salat wa salam sur lui, c'est parmi les formes de rapprochement les plus importantes et les meilleures si tu veux te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et une des actes d'obéissance les plus importantes aussi par lesquels on se rapproche d'Allah. Et c'est de faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le respecter, de l'honorer de la manière qui a été légiférée dans la charia. Et les exemples de ça sont rapportés dans la sunna, hein, le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ila akhirih. Donc ça c'est des exemples, hein. Et après le cheikh dit wa amma ta'zimuhu alayhi salatu wassalam bil jawarih fa huwa al 'amal bi shari'atihi wa al ta'assi bi sunnatihi والأخذ بأوامره واجتناب نواهيه تحكيمها في الأمور كلها صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها والرضا بحكمه والتسليم وعدم الحرج وعدم الحرج. Donc le cheikh il explique que le respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le corps, c'est dans le fait d'agir selon qu'est-ce qu'il a légiféré, et de se baser sur sa sunna, et de prendre ses commandements et ses ordres, et de s'écarter de ce qu'il a interdit, et de les prendre comme juge, de prendre ses commandements comme juge dans toutes nos affaires, sans exception, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, qu'elles soient précises ou minutieuses, ou immense, dans toutes nos choses, dans toutes nos affaires, et d'être satisfait de son jugement et de se soumettre à sa décision et son décret, et de ne pas trouver en soi-même une gêne quelconque vis-à-vis de ce qu'il a décrété. Et le cheikh il dit ensuite وَالسَّعْيُ فِي إِذْهَارِ دِينِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ونصرة ما جاء به وتبليغ رسالته للناس إلى لزوم سنته والاهتداء بهديه واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام. Donc le cheikh il dit tu dois également faire des efforts pour extérioriser et montrer sa religion عليه الصلاة والسلام, pour venir au secours et à la défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également de défendre sa sunna bien entendu, et de transmettre son message aux hommes, d'inviter les hommes à sa religion et à son message, les musulmans et les non-musulmans, de les appeler à se soumettre à Allah et à suivre son exemple. Si c'est des musulmans qui sont ignorants, de leur enseigner. Si c'est des musulmans qui sont dans l'innovation, de les appeler à abandonner l'innovation et à revenir à la sunna. Si ce sont des gens qui ont dévié, d'essayer de leur clarifier, de les ramener à la droiture. si ce sont des non-musulmans ou des gens qui sont dans le kufr et dans le shirk de façon générale, de les ramener au tawhid et de leur expliquer yani, l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et également de prendre son modèle comme guide, hein, de le suivre comme en tant que guide, une source de guidance, et de suivre les traces qu'il a laissées. Hein. Et il dit aussi والذب عنه وعن سنته عليه الصلاة والسلام بل والذب عن حملة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومن سار على طريقتهم فاستن بهديهم وسلك سبيلهم. Donc le cheikh il dit également tu dois défendre le prophète صلى الله عليه وسلم et tu dois défendre sa sunna. Et de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça ne veut pas dire comme certains, malheureusement, qui ont mal compris l'islam et qui tombent dans l'extrémisme, quand il y a des égarés ou des koufars qui font des caricatures pour dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux, ils se permettent par la suite de faire des attentats terroristes et de tuer des gens comme ça, aveuglément. Ça, ce n'est pas la façon de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout que les conséquences qui découlent de ces actes sont des conséquences qui font beaucoup, beaucoup plus de tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam par la suite. Hein? Ceux qui ont fait ces actes-là, ils voulaient soi-disant défendre l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, au lieu d'avoir une caricature qui était faite, ils en ont fait des milliers et des milliers et des milliers par la suite. Donc, le mal qu'ils ont ramené était plus grand que ce qu'ils voulaient changer. Et ça, c'est la preuve du manque de connaissance et de compréhension de l'islam dans les règles de l'ordonnance du bien et de l'interdiction du mal. Puisque les ulama de l'islam, ils ont clarifié et expliqué maintes fois que si, quand tu vas ordonner le bien et que tu vas interdire le mal, tu vas ramener un mal qui est égal ou plus grand, alors dans ce cas-là, tu dois t'abstenir d'ordonner le bien ou d'interdire le mal. Tu vas seulement ordonner le bien et interdire le mal si tu sais que le mal qui va en découler va être moindre, hein, que celui qui est déjà là, qui est déjà présent. Donc malheureusement les jeunes, parfois ils sont, ils se basent, comme on expliquait hier, ils se basent sur les émotions, sur les sentiments, ils ne se basent pas sur la raison, ils ne se basent pas sur la compréhension des textes de la révélation, et sur les principes qui découlent de la charia, yani, pour justement les mettre en application. Donc, des gens qui agissent de cette manière, c'est des écervelés, c'est des gens qui agissent sans réfléchir, et ils pensent faire du bien alors qu'ils font du tort. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala » الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre? Ce sont ceux qui ont gaspillé leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient être en train de faire du bien. Ils pensaient que qu'est-ce qu'ils faisaient c'était bon alors qu'ils font du désordre sur la terre. Allah al-musta'an. Donc défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa sunna, défendre également ceux qui ont transmis la sunna, qui ont porté la sunna, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tous ceux qui ont suivi leur voie et leur chemin parmi les imams du hadith et les imams de la sunna, et qui se sont accrochés à sa guidance et qui ont emprunté son chemin, hein. Donc ça c'est très important. Et il dit ensuite le cheikh, وَكَذَلِكَ تَعْظِيمُهُ بِالْجَوَارِحِ وَتَعْلِيمُ النَّاسِ هَذِهِ السُنَّةِ وَتَعْلُمُهَا وَالْمُوَالَاتُ وَالْمُعَادَاتُ فِيهِ وَفِيهَا والاجتناب عن كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم والتوبة والاستغفار عن كل تقصير حصل أو خلل وقع. Donc le cheikh il dit également d'honorer, de respecter la sunna et le prophète sallallahu alayhi wa sallam par notre corps, par nos actions, c'est également d'enseigner aux gens la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, d'enseigner aux gens la sunna et d'aimer et de détester par rapport à cela, à sa sunna. Donc tu aimes celui qui aime sa sunna et tu détestes celui qui déteste sa sunna. Ça c'est yani al-wala wal bara wal mu'alat wal mu'adat. Et de s'écarter de tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit et de se repentir et de demander pardon pour tout manquement ou toute déficience qui a pu se produire de notre part si on a eu des manquements dans notre façon d'appliquer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa yaqulu al imam al hafiz shaykh al islam ibn taymiyyah rahimahullah fi shaykh al islam ibn al qayyim, je m'excuse, j'ai dit ibn taymiyyah, c'est ibn al qayyim rahimahullah, fi risalatihi at tabukiyyah, إن طاعة رسول الله عز وجل صلى الله عليه وسلم إن طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وتحكيم الله ورسوله هو سبب السعادة عاجلا وآجلا. ومن تدبر العالم والشرور الواقع فيه علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام والخروج عن طاعته. وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما يترتب عليه. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط، لأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو من الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. Donc, la citation de l'imam Ibn al-Qayyim dans Ar-Risalat al-Tabukiyya, il dit que d'obéir à Allah et au messager et de prendre Allah et son messager comme juge, c'est la cause du bonheur pour toute personne qui veut le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Et quiconque réfléchit ou médite sur le monde, il va constater que tout le mal qui se produit dans le monde, c'est yani, à cause de la contradiction de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout ce qu'il y a de mal dans le monde, la cause de ce mal, c'est parce qu'on a contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on est sorti de son obéissance. Et tout le bien qui existe dans ce monde, eh bien, ça vient du fait d'avoir obéi au messager sallallahu alayhi wa sallam. Il dit également dans parmi les maux ou le mal de l'au-delà et les douleurs et le châtiment de l'au-delà, eh bien la personne qui va avoir ce mal ou ce châtiment dans l'au-delà, c'est uniquement à cause du fait qu'il a contredit l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou ce qu'implique le fait de contredire le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc c'est comme si le cheikh il dit, on peut donc comprendre de façon générale que tout le mal que ce soit dans ce monde, dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà, revient en fait à contredire l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout mal vient, que ce soit dans cette vie ou dans l'au-delà, à la contradiction de l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui en découle et ses conséquences. Il dit donc que si les hommes obéissaient au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme il se doit, hein, s'ils lui obéissaient comme ils doivent l'obéir, il n'y aurait pas de mal, il n'y aurait aucun mal sur terre. Le Cheikh dit, si tous les hommes obéissaient au messager sallallahu alayhi wa sallam comme ils devraient lui obéir, il n'y aurait aucun mal sur terre. Car l'obéissance au messager sallallahu alayhi wa sallam est une forteresse. Et celui qui y rentre, il est en sécurité. Hein? Il est préservé et il est en sécurité. Et c'est également, son obéissance est également une caverne. Quiconque s'y refuge fait partie de ceux qui sont sauvés. Donc, on peut savoir que tout le mal qui existe dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà vient uniquement du fait d'ignorer ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené, ou du fait de sortir de son obéissance. Et il dit, et ça c'est une preuve tranchante du fait qu'il n'y a pas de salut pour un serviteur, pour un homme, et il n'y a pas non plus de bonheur, excepté en faisant des efforts pour arriver à connaître ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a ramené comme science, et de mettre cette science en application dans nos œuvres. Ça, c'est la citation de l'imam Ibn al-Qayyim dans Risalat al-Tabukiyya. Vous voyez que la signification de ce qu'il a mentionné, c'est très bénéfique, très complet. Après, le cheikh, il donne le point numéro 4 à ce sujet. Et il dit المطلب الرابع صور من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وسلف الأمة الصالحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il va donner des exemples des salaf et comment ils ont montré envers comment ils ont montré le respect. Comment ils ont montré le respect au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment les salaf ont montré le respect envers le messager. Et le cheikh, il a mentionné plusieurs exemples. Il a mentionné 13 exemples. Inch'Allah. Donc, je vais en lire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les lire toutes. Mais bon, on va lire qu'est-ce qu'on peut maintenant. Puis, si on n'a pas fini, on terminera, Inch'Allah, au prochain cours. Le cheikh, il dit, نعم, il dit, صور من تعظيم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وسلف الأمة الصالحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أيها الإخوة إلى هذه الصور والوقوف عند سنته واتباعه من غير إفراط ولا تفريط. أولا ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب ومنع بعض الناس الزكاة فقال رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه أخرجه الشيخان في الصحيحين. Il dit donc, comme on a un besoin, un grand besoin de ce genre d'exemple de la part des sahaba et des salaf pour savoir comment respecter et montrer du respect envers le prophète sans tomber dans des extrêmes ou sans tomber dans du laxisme. Et le premier exemple qu'il mentionne, c'est l'exemple de ce qui a été mentionné de la part d'Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu lorsque le prophète est décédé et que certains d'entre les arabes avait apostasié, eh bien, Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu a dit, lorsque certains avaient refusé de donner la zakat, il a dit, si, il dit, je jure par Allah que s'il refuse de me donner, un iqal, c'est, vous avez vu les Arabes, qu'est-ce qu'ils portent sur leur chimar, le truc noir qu'ils mettent en haut là, pour tenir le chimar, c'est ça qu'on appelle l'iqal. Et en général, ils l'utilisent aussi également pour retenir les chameaux. Cette chose qu'ils mettent sur leur tête, là, c'est pour attacher les jambes des chameaux pour pas qu'ils s'enfuient. Ok? Donc, il dit, s'il refusait de me donner une iqal qu'il donnait au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, je les combattrais jusqu'à ce qu'il le donne. Je les combattrais pour avoir refusé de le donner. C'est-à-dire, même si c'est quelque chose comme ça qu'il donnait avant au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si maintenant il refuse de le donner, je les combattrais jusqu'à ce qu'il le donne. Et ça, c'était rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans As-Sahihain. Le deuxième exemple. Thaniyan ma ja'a fi As-Sahihain anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lamma qabbala al-hajar al-aswad qal amma wallahi inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'a wa lawla anni ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qabbalaka ma qabbaltuk. C'est l'exemple de Umar ibn al-Khattab, comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, que Omar ibn Khattab, lorsqu'il a embrassé la pierre noire qui est sur la Kaaba, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Il a dit à haute voix, il dit, par Allah, je sais que tu n'es qu'une pierre, tu ne peux ni me nuire ni me profiter, et si ce n'était que j'avais vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui t'embrasse, hein, je ne t'aurais pas embrassé. C'est-à-dire, je le fais uniquement parce que j'ai vu le prophète Rassim le faire, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais il sait que cette pierre, elle n'a aucun pouvoir. Elle ne peut pas te profiter, elle ne peut pas te nuire. Donc il y a pas, le musulman ne doit pas avoir une aqida vis-à-vis de la pierre noire, ou penser qu'il y a quelque chose qui peut lui ramener du bien ou repousser un mal en touchant cette pierre noire. Cette pierre noire, c'est une pierre ordinaire. Hein? Elle n'a rien de particulier. Sauf le fait que c'est le prophète qui l'a embrassé. Et donc, si tu as la capacité de le faire, tu le fais. Tu l'embrasses. Mais sinon, si tu n'as pas la capacité, tu ne vas pas aller te battre, bousculer les gens, hein, frapper, pousser, comme il y en a des gens, hommes ou femmes, qui parfois, quand c'est le hajj ou la umra, ils vont aller se bousculer pour arriver jusqu'à la pierre noire. Peut-être même ils vont frapper des gens. Ils vont faire même des péchés pour arriver à la pierre noire. Et ils s'imaginent qu'en faisant ça, ils ont obtenu quelque chose. Et à la limite de le faire, c'est-à-dire d'embrasser la pierre noire ou de la toucher, c'est une chose qui est recommandée. Et toi, pour arriver à quelque chose qui est recommandé, tu fais des péchés pour y arriver. Ce n'est même pas une obligation. Donc pourquoi tu vas accumuler des péchés pour faire quelque chose qui n'est même pas obligatoire? Donc, le mérite que tu as voulu obtenir en allant toucher cette pierre, tu l'as perdu. Tu perds. Hein, tu le perds en faisant des péchés pour y arriver. Donc, ça, c'est juste un exemple en passant. Le Cheikh, il mentionne comme point numéro 3 Lamma ja'a an Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Lamma balagahu an Uthman ibn Affan radiallahu anhu. أنه كان ينهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالعمرة والحج جميعا وقال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد متفق عليه واللفظ للبخاري. Donc ici il mentionne que Ali رضي الله عنه lorsqu'il a entendu que Uthman ibn Affan il interdisait de faire le hajj tamattu. Le hajj, c'est-à-dire tu fais la umra, puis une fois que tu as fait ta umra, tu retires ton ihram, tu remets tes vêtements ordinaires, puis lorsque le hajj commence, tu remets ton ihram et tu recommences ton hajj. Et ça, c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné les sahaba de faire. C'était qu'est-ce qu'il a ordonné et qu'est-ce qui est plus facile aussi pour les musulmans. Et quand il a vu que Uthman ibn Affan radiallahu anhu avait interdit aux gens de faire ça, lui, Ali radiallahu anhu, quand il a fait sa talbiya, il a mentionné qu'il allait faire la Umrah et la Hajj, comme il allait faire le tamattu, pour dire que il a dit, je ne vais pas laisser la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour quiconque. Hein? Et donc, c'est pour dire que le respect de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle est au-dessus de la parole de quiconque, hein, qui peut la contredire, peu importe qui il est. Peu importe qui il est. Même si c'est un noble compagnon parmi les khulafa al-rashidin comme Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ta'ala. Il dit rabi'an an Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu qala radiyallahu anhuma qal annahu qal alayka bi taqwallah wal istiqamah wattabi' wa la tabtadi' akhrajahu ad-Darimi wa akhraja aydan anhu annahu qal man ahdatha ra'yan laysa fi kitabillah wa lam تمضي به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل وأخرج عبد الرزاق في مصنفه أن طاووس بن كيسان اليماني سأل ابن عباس عن ركعتين بعد العصر يعني هل أصليهما فنهاه عنهما فقال فقلت لا أدعهما يقول طاووس لا أدعهما فأجابه ابن عباس رضي الله عنه قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فتلا هذه الآية إلى أن جاء إلى قول الله تعالى مبينا تسليم وانقياد وتعظيم لهذه السنة وامتثال. Donc ici il cite le point numéro 4, une parole qui est rapportée selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il dit que, il a dit, Abdullah ibn Abbas, il a dit, je t'enjoins à faire preuve de piété et de fermeté, de t'accrocher fermement à la vérité et de rester droit, et de suivre la sunna et de ne pas innover, de ne pas ramener d'innovation. Et ça, c'est rapporté par Ad-Darimi dans As-Sunan. Et il a dit, il a également rapporté qu'il a dit, quiconque innove ou invente une opinion qui n'est pas dans le livre d'Allah et qui n'a pas été ramené également dans la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas comment il va rencontrer Allah. Ou dans quel état ou quelle situation il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il va le rencontrer. Donc celui qui a inventé quelque chose, une opinion quelconque, qui n'est pas dans le livre d'Allah, qui n'est pas dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, quand il rencontrera Allah, il ne va pas savoir comment il va le rencontrer. Il dit également, c'est rapporté dans Al-Musannaf de Abdul Razzaq al-San'ani, que Tawus ibn Kaysan al-Yamani a demandé à Abdullah ibn Abbas à propos de faire rak'atayn, hein, après la prière de Asr. Et il voulait savoir si c'était permis de les faire, de prier rak'atayn après l'Asr. Et Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, il a interdit à Tawus de faire ça. Il lui a dit, ne les fais pas. Et Taouz a dit, je ne vais pas les laisser, je vais continuer à les faire. Alors, quand il a dit ça, Abdullah ibn Abbas lui a dit le verset 36 dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois que Allah et son messager ont décrété une chose, d'avoir encore un choix dans leur façon d'agir et dans leurs affaires. Alors, il lui a récité ce verset-là. Et c'est pour dire, en fait, quand te vient l'ordre du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, tu dois te soumettre. Hein? Et tu dois respecter la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et la mettre en pratique. Khamisan, جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كما رواه الدارمي في سننه أنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وجاء عنه أنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة خرجه الحاكم وغيره. Donc le cinquième exemple, c'est l'exemple d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est rapporté par Ad-Darimi dans son sunan qu'il a dit: suivez et n'innovez pas, car hein, ce qu'on vous a transmis est suffisant pour vous. Hein? Donc suivez la sunna et ne ramenez pas des bid'a. Hein? La tabtadi'u. Faqad kufitum. Ce qu'on vous a ramené, c'est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'innover, rien d'autre, ou d'inventer quoi que ce soit. Et dans une autre narration, on l'a mentionné déjà dans un des cours précédents, iqtisadun fi sunna. Le fait de faire, d'être modéré dans la sunna, c'est mieux que de faire beaucoup dans la bid'a. Beaucoup d'efforts, mais dans une bid'a. Si tu fais beaucoup d'efforts dans ce qui est bid'a, tu n'auras aucune récompense. Tandis que même si tu fais juste un peu de la sunna, eh bien, même si c'est pas autant, mais au moins tu auras quelque chose comme récompense. Parce que la sunna, c'est ce que Allah accepte. Tandis que la bid'a, Allah il ne l'accepte pas. Même si c'est une grande quantité. Et il dit, sixièmement, سادساً جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما أخرج ذلك عبد الرزاق في مصنفه أن رجلا قال لابن عمر إني كنت أنا وصاحب لي في سفر فأتممت أنا وقصر هو. يعني ما رأيك في هذا الحكم؟ فقال رضي الله عنه بل أتم هو وقصرت أنت لأن السنة في السفر ماذا؟ القصر. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسنده أن قزعة سأل عبد الله بن عمر قال آتي الطور؟ قال دع الطور ولا تأتيه. ثم استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن عبد الله بن عمر أن رجلا قال له نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة الصفر. فقال ابن عمر انظر إلى هذا الجواب المؤدب والمؤدب. المؤدب المؤدب قال بعث الله نبيه ونحن أجهل ناس فنصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نقف حيث علمنا وهدينا. Donc le cheikh il mentionne maintenant dans le point numéro 6 quelques citations de Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma. Il dit, comme c'est rapporté dans Al-Musannaf de Abdul Razzaq al-Sun'ani, qu'un homme a dit à Omar ibn al-Khattab, un homme a dit à Ibn Omar, j'étais en voyage avec un ami à moi ou un compagnon à moi, et dans ce voyage, moi j'ai atmamtu. Atmamtu, ça veut dire j'ai fait ma prière complète, comme d'habitude. C'est-à-dire comme quand j'étais chez moi. Quand j'étais résident, quand je n'étais pas en voyage. Donc, « atmamtu », moi j'étais en voyage avec mon compagnon, moi j'ai fait 4 rak'at, et lui, « qassara », il a raccourci sa prière, il a fait 2 rak'at, au lieu de 4. Alors, il demande, quelle est ton opinion à ce sujet-là? Qu'est-ce que tu dis de ça? Du fait que moi j'ai fait 4, comme si je n'étais pas en voyage, et lui il a fait 2, en respectant les règles. Du fait que quand on est en voyage, on raccourcit. Qu'est-ce qu'il lui a répondu Abdullah ibn Omar? Il a dit Bal atam huwa wa qassarta anta. Donc il lui a répondu en disant c'est lui qui a complété la sunna et toi qui as eu un manquement. C'est toi qui as raccourci en voulant dire Yani, tu as raccourci dans le sens que tu as un manquement du fait que tu n'as pas suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est comme si c'est toi qui a, c'est un jeu de mots en réalité. Qassarta, yani, lui il lui dit qassarta, pas dans le sens que tu as raccourci ta prière, dans le sens que tu as eu un manque vis-à-vis de la sunna parce que tu n'as pas raccourci ta prière justement. Tandis que lui, il a raccourci sa prière et c'est lui qui aura qui a complété la sunna parce qu'il a suivi l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage. Et donc, le cheikh, il mentionne encore un autre exemple dans la musnad de Ibn Abi Shayba, dans son musnad. Il dit que Qaz'a, il a demandé à Abdullah ibn Omar à propos de la visite d'un mont qui s'appelle At-Tur. C'est un mont qui s'appelle At-Tur. Donc il dit, est-ce que je devrais aller le visiter? Parce qu'Allah, il le mentionne hein, par rapport à l'engagement qu'il a pris avec Bani Israël. Hein, avec le mont, cette montagne à Tour. Et il dit, est-ce que je devrais aller la visiter? Il a dit non, va pas la visiter. Et il a mentionné comme preuve le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, ne faites pas de voyage religieux excepté vers trois mosquées. Hein? Et il a mentionné donc ce hadith-là comme preuve de ne pas aller visiter à Tour. Parce qu'il y a des gens qui veulent toujours aller visiter des lieux comme ça, où il y a eu des prophètes, ou bien où il y a eu des événements spéciaux. Mais ces lieux-là ne font pas partie des lieux que nous sommes recommandés de visiter dans la sunna. Il y a des gens qui insistent tout le temps. Hein? Et on voit l'exemple ici que Abdullah ibn Omar, il a condamné ce genre de choses. Un autre exemple ici, il cite que Abdullah ibn Omar, comme c'est rapporté selon Ibn Abi Shayba, un homme lui a dit, dans le Coran, on trouve la prière de la crainte et la prière lorsqu'on est résident chez nous. Dans le Coran, c'est mentionné. Mais on ne trouve pas de référence à la prière du voyageur dans le Coran. Alors, Abdullah ibn Omar, il lui a répondu. Et le cheikh, il dit, regardez la réponse qu'il a donnée, qui est une réponse, c'est comme si il éduque la personne et en même temps, il est respectueux puis en même temps il éduque la personne en lui répondant de cette manière là il a dit Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète et nous étions les plus ignorants des hommes et nous faisons comme ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est-à-dire quand il était en voyage, il raccourcissait sa prière, donc on fait comme lui. Et parfois, il rassemble, et donc c'est pour expliquer que, même si ce n'est pas mentionné dans le Coran, ça fait partie de sa sunnah. Et donc, on doit le faire, parce que lui, il le faisait. Alayhi salatu wassalam. Et on s'arrête là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et on suit son exemple et sa guidance. Le point numéro 7, le cheikh, il dit, « Waja'a an Abi Talha » الأنصاري رضي الله عنه وذلك أنه كان يحمي رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمي بيديه يدفع عنه صلى الله عليه وسلم تلك السهام والنبال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشرف وينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم ونحري دون نحرك أي خرجه الشيخان في الصحيحين في الصحيحين يعني يلزيك أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه il protégeait la personne du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la bataille de Uhud. Et donc, lorsque des mushrikines lançaient des flèches des lances ou des projectiles pour atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, yani, il se mettait devant pour empêcher que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit atteint. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il voulait regarder les gens pour voir qu'est-ce qui se passe dans la bataille, pour suivre le courant de la bataille, pour voir les événements, qu'est-ce qui se passe. Mais Abu Talha lui disait, hein, par ma mère et mon père, hein, Abu Talha, il lui disait par ma mère ou mon père, c'est-à-dire je donnerai mon père et ma mère en échange pour toi au messager d'Allah, ne regarde pas, hein, ne tourne pas ta tête pour regarder au loin qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe dans la bataille, de peur que tu sois frappé par une flèche de la part de ces gens-là. Je fais en sorte que yani, tu sois derrière moi. Comme ça, si une flèche est dirigée vers toi, elle va m'atteindre, moi, et non toi. Donc, on voit que les sahaba, ils défendaient le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même avec leur propre vie. Il dit, « Thaminan Omar ibn Abdulaziz al-Imam Rashid » كتب إليه أحمد أحد عماله كتب إليه أحد عماله يسأله عن الأهواء فأجابه بقوله مكتوبا أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وترك ما أحدث المحدثون بعده مما جرت به سنته وكف مؤنته فعليك بلزوم السنة فإنها لك بإذن الله عصمة أخرجه الآجري في الشريعة. Donc Omar ibn Abdul Aziz, il a écrit à un de ses gouverneurs dans une autre ville, parce que il était le khalifa. Donc il a des gouverneurs qui dirigent dans d'autres régions, hein, en son nom, qui le représentent. Alors il lui écrit, il a un de ses gouverneurs qui lui a posé la question à propos des passions, l'ahwa et les innovations. Alors il lui a répondu en disant, hein, je te conseille de craindre Allah, hein, et il dit wa l'iqtisad fi amrihi, c'est-à-dire de faire preuve de modération dans ce qu'il a ordonné et de suivre sa sunna et la sunna de son messager alayhi salatu wassalam, et de délaisser ce que les innovateurs ont inventé après lui, hein, et de t'arrêter à ce qu'il a ramené, et de t'accrocher et de rester ferme sur la sunna, car c'est une protection pour toi par la permission d'Allah. Et ça, c'est rapporté par l'imam Al-Ajurri dans son livre Al-Sharia. Le point numéro 9, il dit l'exemple numéro 9, ما جاء عن الإمام المبجل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري التابعي الجليل قال كان من مضى من علمائنا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فبعيش العلم ثبات الدين والدنيا وفي ذهاب العلم ذهاب ذلك كله خرجه الدارمي في سننه. Donc le neuvième point, il dit que l'imam Az-Zuhri, Al-Tabi'i, c'est un grand tabi'i, il a dit, les savants qui nous ont précédés, ils ont dit que de se cramponner à la sunna, c'est le salut, hein? C'est ça qui nous sauve, et la science, elle va être retirée rapidement, hein? Et donc par le fait de vivre selon la science, il y a une fermeté dans la religion et dans la vie d'ici-bas. Et par le fait que la science part, eh bien, ça fait en sorte que tout le reste part avec aussi. Hein, la fermeté dans la religion disparaît avec la disparition de la science. Et ça, c'est rapporté par Ad-Darimi dans As-Sunan. Aishiran, le point numéro 10. ما جاء عن الإمام مجاهد بن جبر رضي الله عنه رحمة الله عليه التابعي الجليل جاء عنه تفسير قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قوله الرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الرد إلى سنته أخرجه Ibn Jarir fi al-tafsir. L'imam Mujahid ibn Jabr, c'est un grand tabi'i parmi les tabi'in, et c'est de lui qui est venue l'explication du verset 59 dans Sourate An-Nisa, et si vous divergez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son messager. Et il a expliqué que de le renvoyer à Allah signifie de le renvoyer à son livre, et que de le renvoyer à son messager signifie de le renvoyer à sa sunna. Et ça, c'est rapporté par Ibn Jarir dans son tafsir, Tabarian. Et le 11e point, donc il reste on est à 11, donc ça veut dire il reste jusqu'à 13, donc il reste juste 3. On va les terminer, puis comme ça, Inch'Allah, on aura complété le livre, Inch'Allah. Le Cheikh, il dit Hadi Ashar, ma ja'a an Ubaida Sulmani, ou Salmani, rahimahullah. فيما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن سيرين قال أنه سأل عبيدة قال أدركت ركعة من المغرب يعني أشفع إليها أخرى ثم أستقبل صلاتي فقال السنة خير صل ما أدركته وأتمم ما فاتك قلت فأقرأ قال نعم والشاهد في قوله السنة خير. C'est une narration ici qui est rapportée selon Ubaida al-Salmani, qui est un parmi les tabi'in. Selon Ibn Sirin, il a demandé à Ubaida, il dit j'ai attrapé une rak'a du Maghrib. Est-ce que j'en rajoute une autre à celle-ci, hein? Et je continue ma prière après. Il dit, la sunna, c'est ce qui est bon. Hein? Prie ce que tu as rattrapé de la prière avec l'imam et complète ce qui te manque par la suite. Et il dit, et est-ce que je récite? Il dit oui. Et le point qui est mentionné dans cette parole, qu'est-ce qui est important, c'est le fait qu'il a dit « as-sunnatu khayr », c'est-à-dire de suivre la sunna, c'est ce qui est de mieux. Il n'y a pas mieux que de suivre la sunna. Le point numéro 12, « ma akhrajahu ibn Abi Shayba fi musannafihi bi sanadihi an al-a'mash annahu qala Ibrahim al-Nakha'i al-Tabi'i al-Jalil wa kana qad su'ila an al-imam idha sallama من الصلاة كان إمام من أئمة المساجد إذا سلم بعد الصلاة قال صلى الله على محمد لا إله إلا الله أي يقول هذا الذكر بعد السلام فكان أن سئل النخعي عن هذا فقال ما كان من قبلهم يصنع هكذا يعني هذا أمر محدث وكان قد ساق قبله أن أبا البختري رحمه الله وصف وكان قد سئل عن هذه المسألة فقال هذه بدعة. Donc il cite ici que Ibn Abi Shayba, il mentionne dans sa Musannaf, selon une chaîne qui est transmise, qui est rapportée selon Al-A'mash, que il a dit que Ibrahim al-Nakha'i, qui est un noble tabi'i, il dit qu'on avait demandé la question à propos d'un imam dans la salat, hein, parmi les imams des mosquées. Et lui, quand il faisait le taslim à la fin de la prière, Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, lui il disait après Sallallahu ala Muhammad, la ilaha illallah. Et donc, il demandait à propos du fait de dire ça après le taslim, est-ce que c'est correct ou non? Et l'imam Ibrahim al-Nakha'i, il a répondu, il a dit, ceux qui étaient avant nous, ils ne faisaient pas ça. Et il dit, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'innové, quelque chose d'inventé. Et il a rapporté, hein, c'était rapporté avant lui, que Abal Bukhtori, il a dit, en décrivant celui qui agit de cette façon, lorsqu'il a été questionné sur la même question, il a dit, c'est une bid'a. Ceci est une bid'a. Et la dernière exemple, dernière citation qui est mentionnée, c'est l'exemple numéro 13. Ma ja'a عند عبد الرزاق في مصنفه عن سعيد بن المسيب رحمه الله التابعي الجليل أن رجلا كان يكرر الركوع بعد الفجر فنهاه وجذبه أن يجلس فقال له الرجل يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ فقال لا ولكن يعذبك على خلاف السنة لا يعذب الله جل وعلا على الصلاة يعذب على خلاف السنة لأن الأعمال مشروطة بشرطين للقبول الإخلاص والاتباع لهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. Et cette citation, c'est la dernière, et elle est très, très bénéfique aussi. Il dit que Abdurrazzaq, il a rapporté dans son Musannaf, selon Saïd ibn al-Musayyib, un parmi les tabi'in, un des grands parmi les tabi'in, il dit qu'il y a un homme qui continue à faire des prières après le Fajr, faisait des recours après le Fajr. Et Saïd ibn al-Musayyib, il lui a interdit de faire ça. Il lui a dit, assis-toi, hein, reste assis. Alors l'homme, il a dit, Ya Aba Muhammad, c'est sa kunya. Saïd ibn al-Musayyib s'appelle Abu Muhammad. Il a dit, oh Abu Muhammad, Allah il va me châtier parce que je fais la salat. Tu m'interdis de faire la salat comme si Allah il va me châtier parce que je fais la salat. Est-ce que la salat c'est quelque chose de mauvais? Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? C'est une réponse intelligente. Il lui a dit, Allah il ne va pas te châtier parce que tu fais la salat. Il va te châtier parce que tu contredis la sunna. Hein? C'est pas parce que tu fais la salat qu'il va te châtier. C'est parce que tu contredis la sunna qu'il va te châtier. Et donc, il faut comprendre donc, nos œuvres et les actions qu'on fait dans la religion, elles doivent être en accord et respecter deux conditions pour qu'elles soient acceptées. La première condition, c'est qu'elles soient faites avec ikhlas, avec sincérité. Et la deuxième condition, qu'elles soient faites en accord avec la guidance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, Allah ne l'acceptera pas. Hein? Et donc, ça s'applique à n'importe quelle action que les gens font, des actions qui sont en contradiction avec la sunna. Puis, quand tu leur dis, pourquoi vous faites ça? Hein? Il ne faut pas faire ça parce que ça c'est interdit. Ils disent, oui mais, hein? Comme par exemple les soufis, hein, par exemple quand ils font le dhikr, ils disent qu'ils font le dhikr. Tu leur dis, mais ça, c'est pas correct. Ce que vous faites, c'est pas comme ça, le dhikr. Et eux, ils disent, est-ce que Allah il va nous châtier parce qu'on fait le dhikr? Hein? Ou bien, quand tu réfutes n'importe quel innovateur parce qu'il fait une bid'a, comme les tablirs qui disent, nous, on fait la da'wa. Hein? Est-ce que Allah il va nous châtier parce qu'on fait la da'wa? Non, il ne va pas vous châtier parce que vous faites le dhikr ou parce que vous faites la da'wa. Il va vous châtier parce que vous contredisez la sunna. La façon dont vous le faites, ce n'est pas de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de le faire. Et la façon dont vous le faites, la da'wah, ce n'est pas l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas l'exemple des khulafa al-rashidin. Donc, il ne va pas vous récompenser pour ce que vous faites. Plutôt, il va vous châtier pour ce que vous faites. Et pas parce que vous faites du bien, mais parce que vous êtes en contradiction avec la sunna du messager d'Allah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qui conclut le livre de Cheikh Abdullah al-Bukhari, hafizahullah ta'ala wa jazahullah khayran wa hafizahullah ta'ala. Et donc que Allah le récompense d'avoir écrit une risala, d'avoir fait cette conférence qui est très bénéfique, remplie de connaissances et de sciences et de compréhension profonde de la réelle signification des droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, on est encore loin de la réalisation de ça. Et en commençant par moi-même, donc on essaie de se corriger, de se réformer, de s'améliorer pour mettre en application les significations de ce qu'on apprend, d'essayer d'être le plus proche